إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue ce soir la lecture et l'explication du livre Fadl al-Islam, Le mérite de l'Islam, écrit par l'éminent Cheikh, l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans le cours d'hier le chapitre sur l'explication de la réalité de ce qu'est l'Islam. Et dans le chapitre suivant, que l'on va voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, l'auteur, rahimahullah, va nous démontrer que l'islam est la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute religion autre que l'islam est une religion fausse et rejetée. Il a donc dit, rahimahullah, chapitre au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le verset 85 de Surat Al-Imran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, alors elle ne sera pas acceptée de lui. À travers la mention de ce verset, l'auteur, rahimahullah ta'ala, veut nous démontrer que l'islam est la seule religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune autre religion. Et ce, car en dehors de l'islam, toutes les religions sont fausses. Soit elles sont fausses à la base, de par leur opposition aux religions des prophètes, alayhimu salatu wassalam, soit elles sont fausses car elles ont été abrogées après l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wassalam. Et on a vu hier que l'islam, dans son sens général, est la religion avec laquelle sont venus l'ensemble des prophètes alayhi salatu wassalam. Puis après l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wassalam, toutes les religions précédentes ont été abrogées car Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à l'ensemble de l'humanité. Et il a ordonné à l'ensemble des djinns et des hommes de le suivre et de lui obéir. Et il n'est permis à personne de délaisser le suivi de l'islam et de suivre autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas même pour les prophètes qui l'ont précédé. Si l'un d'entre eux avait été vivant lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, alors il n'aurait eu d'autre choix que de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de lui obéir. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 81 et 82 de Surat Ali Imran, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. Chaque fois que je vous accorderai un livre et une sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra. Et le messager dont il est question ici est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'ensuite un messager vous viendra, مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ, qui viendra pour confirmer ce qui est avec vous. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. Vous devrez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِ. Consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. قَالُوا أَقْرَرْنَا. Ils ont dit, nous consentons. Nous acceptons cela. قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Il dit alors, soyez-en donc témoins, et je suis avec vous parmi les témoins. Ensuite il dit, subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et quiconque tourne le dos après cela, alors ce sont eux qui seront les pervers. Donc après l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toutes les religions précédentes ont été abrogées et ne peuvent plus être mises en pratique. Et la religion qu'il est obligatoire de suivre et qu'il est obligatoire de mettre en pratique est la religion de l'islam, qui est la religion avec laquelle a été envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce, car c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Même Isa alayhi salam, Jésus, lorsqu'il redescendra sur terre à la fin des temps, il suivra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et jugera par la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, comme on va le voir au chapitre suivant, inshallah ta'ala, si Moussa était vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Moussa alayhi salam. Donc ceux aujourd'hui qui prétendent que le judaïsme ou le christianisme sont des religions authentiques, sous prétexte que leurs adeptes s'affilient à des prophètes et qu'ils prétendent suivre ces prophètes. Alors nous leur disons, cette prétention est une prétention mensongère. Ils ne suivent pas les prophètes. Car s'ils suivaient réellement les prophètes, s'ils suivaient réellement Moïse et Jésus, Moussa et Isa alayhim assalam, alors ils auraient suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il est venu confirmer ce avec quoi ils sont venus. Et celui qui mécroit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui renie son message, alors ceci revient à mécroire en l'ensemble des prophètes et des messagers alayhi salatu wa sallam. Donc celui qui prétend suivre Moïse ou suivre Jésus et qui délaisse la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sache qu'il ne fait ni partie des suiveurs de Moïse ni des suiveurs de Jésus, mais qu'il est sur une religion fausse et qu'il s'oppose à ce à quoi ont appelé Moïse et Jésus alayhim assalam. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce ne sont pas les suiveurs de Jésus. Et les juifs aujourd'hui, ce ne sont pas les suiveurs de Moïse. Car s'ils étaient réellement des suiveurs de ces prophètes alayhim assalatu wassalam, ils auraient embrassé l'islam. Et ils auraient suivi Muhammad sallallahu alayhi wassalam. Mais en restant sur ces religions qui ont été abrogées et qui de plus est ont été altérées et falsifiées, alors ils se sont ainsi opposés à ce à quoi les ont appelés Moïse et Jésus, Moussa et Issa, alayhim assalam. Ils sont donc sur une religion fausse, et ils ne sont les suiveurs d'aucun parmi les prophètes. C'est donc une erreur de considérer ces religions comme des religions célestes, ou pire encore, des religions monothéistes et des religions authentiques. Ce sont des religions fausses. Ce sont des religions qui ne sont pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْ Et quiconque désire une religion autre que l'islam, celle-ci ne sera pas acceptée de lui. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith et il a dit, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les œuvres viendront au jour de la résurrection. La prière viendra et dira, ô Seigneur, je suis la prière. Il dira, tu es sur le bien. L'aumône viendra ensuite et dira, ô Seigneur, je suis l'aumône. Il dira, tu es sur le bien. Le jeûne viendra ensuite et dira, ô Seigneur, je suis le jeûne. Il dira, tu es sur le bien. Puis les autres œuvres viendront de la même manière et il dira, tu es sur le bien. Puis l'islam viendra et dira, ô Seigneur, tu es as-salam et je suis l'islam. Il dira, tu es sur le bien. C'est de toi que je prends aujourd'hui et c'est par toi que je donne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Et quiconque désire une religion autre que l'islam, alors elle ne sera pas acceptée de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Rapporté par Ahmad rahimahullah ta'ala. Donc ce hadith, il est à souligner que sa chaîne de transmission n'est pas authentique. Toutefois, son sens est confirmé par les textes. En effet, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith afin de nous démontrer que la seule religion prise en considération au jour de la résurrection, c'est l'islam. Et que toute religion autre que l'islam est une religion fausse et rejetée qui ne profitera en rien ses adeptes. Et c'est pour cela que le verset est mentionné. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, alors elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Ceux qui sont morts avant l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils suivaient leur prophète, alors ils sont morts sur l'islam, incha'Allah ta'ala, dans son sens général, l'islam qui est la religion de tous les prophètes. Mais après l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le seul islam qui est accepté, la seule soumission à Allah qui est acceptée, C'est l'islam avec lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui suivent une autre religion, elle ne sera pas acceptée d'eux, ils seront dans l'au-delà parmi les perdants. Ceci est donc une preuve très claire que le salut et la perdition, l'entrée au paradis ou l'entrée en enfer, dépendent du suivi ou non de l'islam. Celui qui se soumet, qui entre en islam, qui suit la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il obtiendra le salut. Et celui qui renie cette religion et qui refuse de s'y soumettre, alors il sera parmi les perdants. Et s'il fait partie des perdants, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la religion qu'il suit est une religion fausse, car elle applique nécessairement la perdition. Et il n'y a pas de doute que celui dont la religion mène à la perdition, alors sa religion est fausse. Et la seule religion qui mène au salut et au succès ici-bas et dans l'au-delà, c'est la religion de l'islam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et dans l'authentique, c'est-à-dire ici dans l'authentique de l'imam muslim, rahimahullah, d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une œuvre qui n'est pas sur notre ordre, celle-ci sera rejetée. On a déjà vu ce hadith dans le deuxième chapitre et on a vu qu'il démontre l'obligation d'entrer en islam. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné ici à nouveau, afin de nous démontrer que tout ce qui n'est pas sur l'islam est rejeté. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, celui qui fait une œuvre qui n'est pas sur notre ordre, que nous n'avons pas ordonné, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de notre religion, qui ne fait pas partie de l'islam, alors ceci est rejeté. Ceci nous démontre que tout ce qui est autre que l'islam est faux et rejeté, et que la seule religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala est la religion de l'islam. Tout ce qui s'oppose à ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rejeté. Donc, celui qui est sur une autre religion, quelle qu'elle soit, ou celui qui instaure dans la religion des choses qui n'en font pas partie parmi les innovations autres, et qui les met en pratique, prétendant se rapprocher ainsi d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucune preuve du livre d'Allah ni de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors ces œuvres-là sont rejetées, qui que soit son auteur, et quelle que soit la religion à laquelle il s'affilie. Car seul l'islam est accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on entend par cela ce qui est conforme au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Car toute œuvre pour être acceptée, premièrement, elle doit être faite par un croyant, c'est-à-dire un musulman, quelqu'un qui est sur la religion de l'islam, la religion authentique. Car les œuvres du mécréant ne sont pas acceptées. Deuxièmement, son œuvre, elle doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, car ce qui est voué à autre que lui est rejeté. Et troisièmement, son œuvre, elle doit être conforme à la législation, conforme à ce qui a été légiféré dans la religion de l'islam. Et si cela s'oppose à ce qui a été légiféré, comme c'est le cas des innovations, alors celles-ci sont rejetées. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans le chapitre suivant une question qui vient compléter ce que l'on vient de voir dans ce chapitre. Et il a intitulé le chapitre suivant, chapitre sur l'obligation de se contenter de son suivi en dehors de tout autre que lui. En dehors de tout autre que lui, c'est-à-dire, et de se contenter du suivi du Coran en dehors de tout autre livre. Il est donc obligatoire pour le musulman de se contenter du suivi du Coran, c'est-à-dire de se soumettre aux ordres du Coran, et de ne pas chercher à se soumettre à autre que cela. Et bien sûr, il va de soi qu'entre dans le suivi du Coran, le suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le Coran ordonne l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son suivi. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans ce chapitre un verset et un hadith. Quant au verset, c'est le verset 89 de sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce à qui? Aux musulmans, aux musulmans, à ceux qui se sont soumis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset qu'il a fait descendre sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le livre, c'est-à-dire le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée. Et il l'a fait descendre comme un exposé explicite de toutes choses, aussi bien sur les points fondamentaux de la religion que sur les questions subsidiaires. Le Coran est un exposé de tout ce dont tu peux avoir besoin. Tout ce dont tu as besoin parmi tes affaires religieuses, Allah subhanahu wa ta'ala l'a clarifié dans le Coran. Tu n'as donc besoin de rien d'autre que de suivre le Coran. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans ce verset le Coran comme étant également un guide, c'est-à-dire qu'il te guide vers ce qui est profitable. Car c'est dans le Coran que tu trouves la science profitable, cette science qui te permet d'accomplir des œuvres pieuses et agréées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous le décrit ensuite comme étant une rahma, une miséricorde ou une grâce. Et en effet, le Coran, c'est une miséricorde et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait de suivre le Coran, cela te permettra d'obtenir toutes sortes de biens ici-bas et dans l'au-delà. En suivant le Coran, tu obtiendras la bonté du cœur, son adoucissement. En suivant le Coran, tu obtiendras la quiétude et la sérénité. En suivant le Coran, tu obtiendras le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. C'est donc une grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite que c'est une bonne annonce pour les musulmans, pour ceux qui se sont soumis. En effet, le Coran, c'est une bonne annonce pour ceux qui suivent les enseignements de ce livre, ceux qui suivent réellement le Coran, ceux qui se sont soumis aux enseignements du Coran, qui se sont soumis à ses ordres, qui ont délaissé ses interdits, qui mettent en pratique le Coran et qui font prévaloir le Coran sur tout autre livre ou toute autre loi. Car nul livre et nulle loi, quelle qu'elle soit, prévaut sur le Coran. En effet, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Le Coran, ce n'est pas la parole d'un homme. Le Coran, c'est la parole de celui qui a créé les hommes. C'est la parole de celui qui nous a tous créés, croyants et mécréants. C'est la parole de celui qui sait parfaitement ce qui est bon et ce qui est mauvais pour ses créatures. Comment pourrait-on donc faire prévaloir un autre livre ou une autre loi, quelle qu'elle soit, au-dessus des lois du Coran, qui sont des lois parfaites et qui sont des lois décrétées par le Seigneur de l'univers, celui qui nous a donné la vie et celui qui nous fera mourir, celui qui administre tout dans cet univers, celui à qui sont soumis l'ensemble des djinns et des hommes et l'ensemble des créatures, qu'ils le veuillent ou non, tous sont soumis au décret universel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son livre prévaut sur tout autre livre, sur toute autre loi, sur tout autre écrit, sur toute autre constitution ou autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce livre comme un exposé explicite de toutes choses. Tout est exposé de manière explicite dans le Coran. Et ton bonheur ici-bas et dans l'au-delà, il dépend de ton suivi ou non de ce livre. Celui qui suit les enseignements du Coran, il sera heureux ici-bas et dans l'au-delà. Même s'il subit des épreuves ici-bas, même s'il rencontre des difficultés, car inévitablement, lorsque tu empruntes la voie de la vérité, tu vas subir des difficultés. Malgré cela, il connaîtra le bonheur, car sa poitrine sera apaisée. Car le croyant a la certitude que ce qu'il traverse comme épreuve ici-bas, ce sont des épreuves temporaires. Des épreuves dont la fin est imminente. Et s'il patiente sur ces épreuves, qu'il reste ferme sur sa religion, qu'il se cramponne à l'islam, aux enseignements du Coran et qu'il les fait prévaloir sur toute chose, alors il sait qu'il obtiendra une récompense immense de la part de son Seigneur dans l'au-delà. Aussi dures soient les difficultés ici-bas, car la fin heureuse est pour les pieux, la fin heureuse est pour la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis pour les croyants au paradis ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Des délices éternels, dans une vie éternelle, soulagée de toute peine, de toute difficulté, de tout problème. Telle sera la récompense des croyants dans l'au-delà, à condition de rester ferme sur cette religion jusqu'à notre dernier souffle dans ce bas monde. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith et il a dit An-Nasa'i et d'autres ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il vit un jour Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu avec une feuille de la Torah. Il lui dit alors: êtes-vous hésitant à son sujet, Ibn al-Khattab? Je suis venu à vous avec la religion blanche et pure. Si Moussa aurait été vivant et que vous l'auriez suivi en me délaissant, alors vous vous seriez égaré. Et dans une autre narration, si Moussa était vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Omar, radiyallahu ta'ala anhu, dit alors: j'agrée Allah pour Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. On voit donc dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui tenait en sa main une feuille de la Torah. Et il l'a blâmé en lui disant: êtes-vous hésitant à son sujet, Ibn al-Khattab? Afin qu'ils sachent que le Coran leur suffit et qu'ils n'ont pas besoin d'autres livres. Car tout ce dont on a besoin se trouve dans le Coran. Il n'y a donc pas besoin d'un autre livre, que ce soit la Torah, l'Évangile ou autre. Car ces livres, en plus d'avoir été falsifiés, ils ont été abrogés. Et le Coran a pris le dessus sur eux. Donc, pourquoi aller lire ou chercher autre que dans le Coran? Puis il lui dit: je suis venu à vous avec la religion blanche et pure. La religion de l'islam. Celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée dans le Coran. Celle dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que c'est la seule religion acceptée de lui. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: si Moussa était vivant et que vous l'auriez suivi en me délaissant, c'est-à-dire que vous auriez choisi de suivre Moussa de son vivant et que vous m'auriez délaissé, c'est-à-dire que s'il était vivant parmi nous, que vous l'auriez suivi et que vous auriez délaissé mon suivi, alors vous vous seriez égaré. Subhanallah. Alors que Moussa alayhi salam est un des messagers d'Allah, alors que Moussa alayhi salam est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, Moussa alayhi salam fait partie des meilleurs prophètes et messagers, et c'est le meilleur des messagers qui a été envoyé aux enfants d'Israël. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que de le suivre dans cette situation, c'est-à-dire de le suivre en délaissant le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ceci est un égarement. Et ce car, comme on a dit après l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus aucune religion acceptée d'Allah en dehors de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé toutes les religions précédentes. Ils ne nous ont pas permis de suivre une autre religion que l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, lorsqu'il dit: êtes-vous hésitant à son sujet? Cela signifie: êtes-vous indécis au sujet de l'islam? Votre religion ne vous suffit-elle pas au point d'aller prendre des juifs et des chrétiens? On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé le fait de prendre la science des gens du livre. Puis il dit: je suis venu à vous avec la religion blanche et pure, c'est-à-dire je vous ai clarifié cette religion de sorte qu'elle ne comporte aucune confusion. Et cette religion est pure, elle est exempte de toute forme de polythéisme, de toute innovation et de toute superstition. Et médite ici sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à Omar radiallahu ta'ala anhu de regarder quoi que ce soit des feuillets des gens du livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère pour cela. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à Omar, le deuxième des califes bien guidés, celui qui est surnommé El-Farouq, et ce en raison de sa faculté à distinguer entre le bien et le mal. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de regarder quoi que ce soit des feuillets des gens du livre. Et s'il a interdit cela à Omar, que pensez-vous aujourd'hui d'un musulman ignorant des principes fondamentaux de sa religion, se plonger dans la lecture des livres des mécréants, que ce soit des livres religieux, philosophiques ou autre chose semblable, ou aller chercher des méthodes d'éducation ou autres dans des livres des mécréants, ou pire encore, ceux qui passent leur journée devant leurs écrans de télévision ou devant leur téléphone en train de regarder et d'écouter les faussetés des mécréants, wal'iyadu billah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à Omar de consulter un feuillet parmi les feuillets des gens du livre, que penser de ceux-là qui passent leur journée à écouter les faussetés des gens parmi les plus pervers, à travers ces écrans? Cela se pense-t-il à l'abri de l'égarement? Cela n'ont-ils pas mieux à faire plutôt que de lire ces faussetés? Pourquoi ne vont-ils pas apprendre leur religion? Pourquoi ne vont-ils pas lire des choses profitables afin d'apprendre leurs croyances, afin d'apprendre les règles de leurs adorations et ainsi de suite? Et médite également sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit à Omar, prends des gens du livre ce qu'ils ont comme vérité et délaisse ce qu'ils ont comme faux, non. Car certaines personnes aujourd'hui, ils ont ces ambiguïtés, ils disent, non mais je lis ce livre qui est écrit par un mécréant, une mécréante, mais je ne prends que ce qu'il y a de bon. Mais quelles sont tes aptitudes afin de distinguer ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans ce livre? Quel est ton niveau? Es-tu conscient de ton niveau? Penses-tu avoir acquis assez de science afin de pouvoir distinguer le vrai du faux dans des paroles écrites par des gens très rusés parfois pour, justement, faire passer le faux pour vérité? Et il n'y a pas de doute que celui qui lit tout ce qui lui passe sous ses yeux, ou qui écoute toute personne qui se met en avant et qui parle, alors il n'est pas à l'abri de tomber dans les erreurs. Il n'est pas à l'abri de tomber dans la confusion, dans l'égarement. Au minimum, tu seras confus. Tu ne seras plus distingué entre la vérité et le faux. Médite sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet ordre s'adresse à l'ensemble d'entre nous. Il lui dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux. Ne les écoute pas. Éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Se peut que la personne ait un moment d'insouciance, un moment d'oubli, et se mette à écouter des discussions fausses. Alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Dès que tu te rappelles, ne reste pas devant ces émissions dans lesquelles les gens profèrent des faussetés à longueur de journée. Et entre dans cela également le fait de ne pas écouter les gens de l'innovation, le fait de ne pas lire leurs livres. Le fait de ne pas écouter leurs interventions, leurs cours, de ne pas lire leurs écrits, le fait de ne pas regarder leurs comptes sur les réseaux sociaux, ni leur compte Facebook, ni leur compte Twitter, ni leur compte Instagram, ni leur chaîne YouTube. Non, ne te pense pas à l'abri. Malheureusement, aujourd'hui, nombreux parmi nos frères et sœurs, ils vont consulter les comptes des personnes connues pour ne pas être sur le droit chemin, des personnes connues pour s'opposer à la voie droite à laquelle a appelé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des personnes qui ne suivent pas la sunna, parmi les gens de l'innovation et de l'égarement. Et certains vont sur leur chaîne en connaissance de cause, en sachant qu'ils sont égarés. Mais la curiosité et les titres attrayants les poussent à écouter. Ils se sentent à l'abri. Ils écoutent une vidéo, deux vidéos, trois, quatre, cinq. Et les ambiguïtés, elles s'imprègnent dans leur cœur. Wallah al-musta'an. Nul parmi nous n'est à l'abri. Ne pense pas que sous prétexte qu'aujourd'hui tu suis la sunna, que tu suis la vérité, tu es à l'abri de l'égarement, non? Combien sont ceux qui, hier, étaient dans les rangs des gens de la sunna et aujourd'hui appellent à l'égarement, à l'innovation? Pire encore, certains d'entre eux sont devenus les pires ennemis des gens de la sunna et passent leur temps à les dénigrer, à faire des interventions au sujet des gens de la sunna pour les dénigrer. Et toi, tu te penses à l'abri. Pourquoi mettre en péril sa religion pour des choses futiles? Ton temps a si peu de valeur à tes yeux pour le passer à écouter leurs faussetés, leurs égarements, leurs erreurs. Passe ton temps à apprendre la science profitable au lieu d'écouter ces faussetés. Wallahi, on est surpris de la situation de certains parmi nos frères et sœurs qui sont au courant des paroles de tel ou tel parmi les égarés qui se mettent en avant sur les réseaux sociaux, alors qu'ils ignorent des bases fondamentales de leur religion, parmi les règles liées à leurs adorations, parmi les règles liées aux ablutions, parmi les règles liées à la prière. Subhanallah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous pardonner nos erreurs, nos manquements, et de nous ramener tous à la religion de vérité, la religion de la droiture, à laquelle a appelé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous dit très clairement que c'est une obligation pour tous de suivre le Coran et de suivre son message. Et que même Moussa alayhi salam, s'il était vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'ensemble de l'humanité. Et médite sur la réaction de Omar, radiyallahu ta'ala anhu, qui après cela dit immédiatement, J'agrée Allah pour Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et c'est ainsi que le croyant se doit d'agir. Lorsqu'il se rend compte qu'il a fait une erreur et que la vérité lui apparaît, il ne doit pas s'entêter sur le fou. Il ne doit pas faire objection au rappel qui lui est adressé. Omar radiallahu ta'ala anhu, il avait certainement pris cette feuille pour une raison qu'il jugeait acceptable. Mais lorsqu'il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé, il est immédiatement revenu à la vérité. Et c'est ainsi que le croyant se doit d'agir. Lorsque la vérité t'est présentée, tu te dois de l'accepter immédiatement. Ne pas retarder cela, ne pas polémiquer. Il y a certaines personnes, lorsqu'on leur fait des rappels, ils polémiquent. Ils n'acceptent pas la vérité immédiatement lorsqu'elle est présentée. Ils polémiquent d'abord. Ils essayent de justifier son erreur. Et ceci fait partie des causes d'égarement. Nombreux sont ceux qui, en raison de cette polémique, voient leur cœur dévié et s'égarer du droit chemin, wal a'yadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans son noble livre, au verset 110 de Surat Ali Imran, « وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ » C'est parce qu'ils n'ont pas cru la première fois que nous détournerons leur cœur et leurs yeux et que nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de raffermir nos cœurs sur sa religion, de nous raffermir sur le tawhid et sur le suivi de la sunna de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de nous compter parmi les bienheureux, ici-bas ainsi que dans l'au-delà. On a donc terminé ce chapitre et on verra dans le prochain cours, incha'Allah ta'ala, la suite de cet ouvrage. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.